Chapitre 81 Et pour le buzz. Après un peu plus de 2 heures de route, les voici de retour en Haute-Normandie. Les réseaux sociaux ont déjà acté une signature de J. Chabal à l'Olympique SMB, mais Totov 76 souhaite faire le buzz pour que les Français votent pour J. Chabal, ou plutôt Faitson. Pour faire le point sur la situation de l'ancien Lensois, Totov 76 organise une conférence web afin de répondre à toutes les questions. J. Chabal ne sera pas présent. Il ne reste que 3 jours de vote et J. Chabal devra avoir une vague de votes pour participer au tournoi Destination. Les questions fusent, le sujet central se nomme J. Chabal. Non, il n'a pas signé dans la franchise de Voelia, mais est clairement candidat pour rejoindre les Bleus au tournoi Destination. Quand on lui demande pourquoi, il n'a qu'une seule réponse. Ce grand chelem 173, ce soir, on ne rasera pas gratis. Quelle idée a-t-il derrière la tête? Les heures sont comptées et Totov 76 promet qu'il mettra en ligne une vidéo qui mettra tout le monde d'accord ce soir. Il ne restera qu'un peu plus de 48 heures pour voter pour J. Chabal et que si les Français veulent prendre de l'avance, ils savent quoi faire. Le matricule FFF du joueur est le 120311. On observe déjà un mini-buzz autour de l'annonce, mais les Français attendent la surprise du capitaine des Bleus. Il est 19h, Totov 76 met une vidéo en ligne, avec ses plus beaux buts, et surtout sa célébration montrant le ciel en hommage à Faitson. Puis on voit J. Chabal et Totov 76 discuter dans une salle de bain. Le Normand demande à l'ancien Lensois à quoi il pense quand il se rase le matin. J. Chabal lui demande s'il est bête ou s'il n'a pas vu qu'il avait arrêté de se raser. Pour la blague, J. Chabal dit qu'il a promis de se raser le jour où une équipe fera le grand chelem au tournoi Destination et que ça commence à le gratter. On les retrouve sur un terrain de football et J. Chabal montre les plus beaux gestes techniques. Une rencontre est même organisée en 3 contre 3 avec un trio composé de Benoît, J. Chabal et Totov 76. Après une belle démonstration, le sudiste supplie le public en disant qu'il peut amener la France sur le toit du monde, juste pour quitter sa barbe. Les retombées de cette vidéo sont immédiates. Les Français sont charmés par J. Chabal, et surtout la perspective d'avoir une entente Benoît, J. Chabal, Totov 76 au prochain tournoi Destination. Dans 2 jours, on connaîtra les 16 sélectionnés, et dans 5 jours, la France ira à Marseille pour débuter la compétition contre le Royaume-Uni. Quand J. Chabal demande à Totov pourquoi il n'a dévoilé sa véritable identité, il lui répond qu'il ne souhaite pas qu'il retombe dans le traumatisme Faitson. Si les Français aiment J. Chabal, ce sera pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il était. Une nouvelle carrière s'offre à lui. Et top tweet, on retrouve le hashtag rasez-le et hashtag grand chelem poilu. La sauce prend. J. Chabal a désormais un nom et un numéro de matricule. Les Français votent en masse pour lui. Va-t-il jouer sur le vélodrome Pernod-Richard? Celui-ci est situé à quelques mètres de son stade, Zinedine Zidane, qui est lui-même situé dans le quartier Faitson. Joli hommage rendu. Chapitre 82. Nouveau bleu? L'opération de communication marche à merveille. Tout le monde parle de ce mystérieux personnage, mais surtout de sa barbe. Des personnes essayent de l'imaginer sans celle-ci, mais c'est impossible. La curiosité des Français va peser énormément dans la désignation des 16 élus. Si le public veut voir J. Chabal sans sa parure de poil, ils devront le faire entrer dans le club de France, et après ce sera lui de jouer. Totov 76 imagine déjà la tête des supporters si le grand chelem est fait, et que J. Chabal laissera sa place à Faitson. Ça risque d'être le coup du siècle. Il espère juste que Faitson ne sera pas atteint par sa crise de paranoïa. Nous sommes enfin arrivés à la cérémonie des sélectionnés. Sans vraiment de surprise, Totov 76 arrive en tête des suffrages. Il sera accompagné par Benoît, olympique, qui signe ainsi son grand retour chez les Bleus, 3 ans après la boulette de mars. Il est revanchard, et va montrer aux supporters français qu'il peut faire gagner son équipe. On connaît 10 autres noms. Tots 511, Coca, Webox, Le Chapeau, Deal 48, Aldebi, Bella, Nabir 69, Romain, Tommy 61, Riti 3402, Gourou et Julien 67. Pas vraiment de surprise, sauf qu'il reste encore une place. Totov 76 espère qu'elle est réservée à son ami Jichabal. On nous annonce 3 ex-échos pour cette dernière place. Delpino 50, joueur de l'Exur Bianconeri, Moon Forever, joueur de la Bouillante, et Jichabal, sans club depuis sa démission du RC Lens. On ne sait pas comment les départager. Certains proposent une séance de tir au but, mais ça pourrait les fatiguer à 2 jours d'un match important. Alors la FFF décide d'emmener un groupe de 18 joueurs. Jichabal portera le maillot bleu pour le tournoi Destination. Objectif atteint pour la doublette Totov 76 Weizen. Maintenant, il faudra se faire une place de titulaire. Pas facile avec des joueurs bien installés depuis 3 ans. Nous avons dans le groupe 9 finalistes du Mondial 2050, 10 si nous ajoutons Weizen. La France reste orpheline de ce dernier, mais ne sait pas qu'il est en quelque sorte de retour. D'autres joueurs n'ont pas retrouvé l'équipe de France malgré leur statut de membre de la génération mars 2050. On pense notamment à Blanbag, Eric BH, Grid 71, Killer Crush 23, Zamadaba et surtout pour gagner 0-2. Dans le groupe France 6 Nations 2053, Julien 67 et Jichabal font office d'espoir. À confirmer. La préparation est diffusée en direct sur Internet. Ainsi, les supporters peuvent composer facilement leur 11. Tout le monde est sur la sellette, même le capitaine Totov 76. Cependant, le Normand bénéficie d'une cote de popularité énorme. Il a une fanbase tellement conséquente qu'il est presque assuré de participer à l'intégralité du tournoi. L'objectif est de faire entrer ses 2 protégés dans le 11. Pour Benoît, ses antécédents et son opération Benoît revient lui donnent un bon avantage pour les votes. Mais personne ne connaît Jichabal, à part pendant les 2 matchs de Coupe de France. On ne sait quel est son style de jeu. Sa rencontre contre l'Olympique n'a pas été brillante. La chose qu'on a retenue de lui est son agressivité. En ce sens, Totov 76 a une idée de génie pour marquer le coup et faire voter pour lui. En attendant, l'entraînement débute et les sélectionneurs prennent note derrière leurs tablettes numériques et autres rétroprojecteurs holographiques. Chapitre 83. Un clash pour la survie. Jichabal a un peu de mal à trouver sa place dans ce groupe déjà bien soudé. Il a également peur de se faire reconnaître. Son côté agressif a été souligné par les réseaux sociaux. Va-t-il en jouer? Non, il est beaucoup trop tendre. Malgré la grande armoire qu'il est, il se fait bouger par des joueurs comme Coca ou Riti 3402. Il touche peu de ballons ou ne les garde pas assez de temps. Il est beaucoup trop brouillon. Weizen n'est plus celui qui faisait vibrer la communauté Red. Ces derniers mois, il a affronté des équipes comme Liévin, Neulémine ou encore Tournai. Le match contre Lille, il avait été écarté. La rencontre contre Saint-Martin de Bocherville, il n'est entré qu'en fin de partie. A-t-il été surestimé par Totov 76? Les sélectionneurs en herbe pensent que oui. Sentant le vent tourner, Totov a une idée de génie. Pendant la rencontre, il met une petite semelle sur Jichabal et fait tout pour l'énerver. Mais quel est son but? Sait-il que face à ce mètre 91 et surtout 1612 kilos, Totov 76 ne ferait pas long feu? En repassant à côté de lui, il lui glisse un mot à l'oreille. Personne n'a pu décrypter ce qui a été dit, mais on imagine que c'était violent. Le hashtag « Tu regrettes comme Totov faisait fureur » Tout le monde pense que Totov 76 déplore avoir fait venir cette chèvre. La place de Totov 76 dans le 11 est déjà validée, mais Jichabal est dernier au suffrage. L'entraînement est terminé et il reste 2 heures pour les votes. À la sortie du terrain, Jichabal se dirige vers Totov 76 et lui met une énorme gifle. Pourquoi fait-il cela ? Jules Chabal n'a pas dû apprécier les attaques du capitaine français. À peine arrivé au vestiaire, Totof Hack prévient son réseau. Il ne veut plus faire équipe avec cette buse de Jules Chabal. Le Marseillais se prête à ce petit jeu des attaques en créant son compte Skype Twitter et lance des petits pics vers Totof. La guerre est déclarée entre les deux joueurs. Mais pourquoi ? Ce petit buzz a l'air de marcher. Les votants sont connus pour être assez sadiques et veulent voir les deux joueurs se mordre sur le terrain. Ainsi, suite au suffrage, l'attaque française pour affronter le Royaume-Uni sera composée des deux frères ennemis, Jules Chabal et Totof 76. Un clash pour le buzz, et ça a marché. Totof 76 souhaite garder cette rivalité fabriquée pour pimenter les prochaines rencontres. Le conflit continue sur le net. Le capitaine reproche l'attitude ingrate de celui qui l'a fait venir de Belgique, et l'ancien Lensois trouve que Totof 76 est trop hautain. La France est divisée entre les pro-Totof et les pro-Jules Chabal. Tout le monde n'attend qu'une chose, la première passe du match entre les deux joueurs. S'il savait que tout est orchestré. En attendant, le coup de poker a fonctionné. Le trio sera titulaire pour aller botter les Britanniques et débuter l'opération hashtag Grand Chelem 53 et surtout le Grand Chelem poilu. Les huit autres joueurs titulaires sont Todd 511, Coca, Weebox, Aldebi, Romain, Riti 3402, Gourou et le portier Bella. Chapitre 84 Flegme et élégance. Tout est prêt ici au Vélodrome Pernod Richard de Marseille. L'équipe de France fait son entrée dans le tournoi des Six Nations et va affronter le Royaume-Uni. Les Britanniques avaient été double vainqueurs lors des deux premières éditions. Depuis, les petits-fils de David Beckham sont mauvais. On se souvient de leur participation au Mondial 2050 avec des défaites contre la Corée du Sud et la Chine. Ils ont perdu leur place dans le Big 8 et essayent de se reconstruire. En ayant perdu les plus grandes franchises anglaises, le Royaume-Uni a tenté de construire un Super UK League. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. Les fans britanniques préfèrent suivre les Milos Blues, ex-Chelsea, en Chine, les Ambrose Gunners, ex-Arsenal, et Pan Dragons, ex-Cardiff, en Inde, ou encore le KM City, ex-Manchester City, les Arnick Spurs, ex-Tottenham, les YNWA Reds, ex-Liverpool, au Japon. Le match ne semble pas compliqué pour les Français, mais il ne faut pas se rater. Les yeux sont exclusivement tournés vers ce duo d'attaquants qui se détestent. Totof 76 et Jules Chabal ne se sont pas parlé. Ils ne se regardent pas. On sait qu'ils font semblant, mais les spectateurs pensent qu'il y a une vraie tension. Ainsi, on laisse Benoît reprendre ses marques tranquillement et oublier son dernier match chez les Bleus. La tension française a fait le tour de la planète et puisque le match passe en prime time, la planète football entière va pouvoir suivre le match des Bleus. Si Jules Chabal fait un match énorme, il frappera un grand coup dans le cœur des Français et pourrait devenir un titulaire indiscutable. Les autres rencontres ont déjà eu lieu. À Bilbao, le double tenant du titre espagnol a battu l'Italie 3-0. À Munich, la Belgique a été humiliée par l'Allemagne qui court après son deuxième titre, après 2045. Pour l'Italie et la Belgique, c'est plutôt mal parti. Une chose est certaine, le Grand Chelem sera impossible pour eux. Qui va rejoindre l'Espagne et l'Allemagne en tête du classement? À noter qu'à la prochaine journée, ces deux nations vont s'affronter à Gelsenkirchen. La France jouera contre l'Italie, alors que la Belgique recevra le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, justement, va déjà tenter de se défaire de l'équipe de France. Totof 76 porte le brassard de capitaine et n'a toujours pas échangé avec son nouvel ennemi. Lors des premières actions, Totof 76 tente des choses seul, sans donner le ballon à Jules Chabal. Ce dernier n'a pas encore touché de ballon. Sa première action va être assez atypique. Nous jouons la 30e minute de jeu, Benoît est lancé par un long dégagement de Bella. Dans sa course, il voit le portier britannique plonger devant lui. Sans vouloir, le Français laisse traîner le crampon et son pied percute la mâchoire du gardien gallois. L'arbitre n'arrête pas le jeu car il n'a pas vu la faute. Benoît continue son action et se retrouve excentré sur le côté droit. Il en profite pour adresser un long centre vers Gichabal. L'attaquant contrôle le ballon de la poitrine et se retrouve sans défenseur et marquage, et surtout face à une cage vide, car le gardien souffre au sol. Que faire? Doit-il ouvrir le score et ainsi marquer les esprits en marquant son premier but en tant que Gichabal? L'enjeu est tellement énorme, la pression des supporters français est démesurée. C'est peut-être l'occasion du match, celui qui va tuer le score. Ni une ni deux, Gichabal a le ballon au pied et... s'arrête. Il prend le ballon des mains et ne veut pas poursuivre son action. Le stade est choqué et les coéquipiers du Français ne savent pas comment réagir. Il fait preuve ici d'un grand fair-play. Son élégance va-t-elle être vue à sa juste valeur? On entend les premiers applaudissements, puis tout le stade se lève pour féliciter ce geste courtois. Les Britanniques viennent remercier Gichabal pendant que le gardien sort sur blessure. Benoît vient s'excuser auprès du capitaine anglais. Totov 76 est fier de son poulain, mais ne peut pas le montrer. Interrogé en direct par les internautes, Totov dit qu'il aurait fait pareil, mais espère que ça ne va pas coûter trop cher à la nation. Il lance le hashtag « Trop bon, trop... » Chapitre 85 Libéré. La rencontre continue et c'est extrêmement serré. Les Bleus n'arrivent pas à trouver la faille. Il n'y a aucune entente entre Trotov 76 et Gichabal. Ça se voit sur le terrain, et la France est incapable de marquer avec ses deux ennemis. Nous jouons la 60e minute de jeu, et Wibox est littéralement fauché dans la surface. L'arbitre siffle un pénalty pour les Bleus. C'est, logiquement, Trotov 76 qui va tirer ce ballon décisif. Il va avoir l'occasion de montrer à Gichabal qu'il est le patron. La guerre continue, car Gichabal réitère le geste qu'il avait fait en demi-finale de la Coupe de France avec le RC Lens. Il reste planté devant Totov 76. Cette fois, il ne le regarde pas, mais ça a le mérite de perturber le tireur français, surtout qu'aujourd'hui, il porte le même maillot. Mais à quoi joue Gichabal? Il reste 10 bonnes secondes, puis il se place à l'extérieur de la surface, juste derrière son capitaine. Totov 76 peut s'exécuter. Il court vers le ballon et marque un léger temps d'arrêt. Que fait-il? Il effectue une mini-talonnade vers Gichabal. L'ennemi du capitaine était au courant de la combine et frappe de toutes ses forces. Le ballon part droit au but. Le gardien était déjà dans le vent. La France mène 1-0 avec un but de Gichabal grâce à un coup de génie de Totov 76. Lors de la célébration, les deux attaquants se prennent dans leurs bras. C'est la réconciliation. Un but d'anthologie qui permet à l'équipe de France de prendre l'avantage et les deux joueurs jouent désormais libérés. Ils peuvent se faire des passes. Interrogé par ses fans, Totov Hack a expliqué son geste en disant qu'il a su analyser le style de Gichabal et que la France passait avant toutes ces disputes puériles. Pour lui, l'équipe de France doit unir et non divisés. Tous unis avec le même maillot et pour un seul objectif, le tournoi destination. La dernière demi-heure est totalement différente. L'entente des deux attaquants est magnifique à voir. Elle est également prolifique puisque Gichabal permet à Totov 76 de marquer. Un troisième but est même inscrit par Tots 511. La France s'impose assez facilement, 3-0, et occupe la tête du tournoi avec l'Espagne et l'Allemagne. L'aventure Destination 53 commence, et de la plus belle des manières. En 2050, les Bleus avaient été surnommés « Stars des années 2050 ». Aujourd'hui, les Bleus 2053 sont désignés « France moderne ». Ils incarnent la modernité du pays sans oublier le passé. Le premier but restera dans les esprits de tous, et c'est le premier but de Gichabal en sélection nationale. En réalité, il s'agit du cinquième de Veitzen. On se souvient de ses deux buts au Mondial 2050 contre la Russie et le Qatar, puis de son doublé contre Jersey. Officiellement, Jichabal a marqué pour sa première sélection, et quel but! Il entre officiellement dans les plans des sélectionneurs français. Plus besoin de créer le buzz, tout le monde veut revoir le duo Totov 76 Jichabal, et surtout, voir ce dernier sans sa barbe. L'aventure est enfin lancée.